Ma belle, je vous prie, dépêchons-nous. Ma belle, je vous prie, dépêchons-nous. Cette longueur m'ennuie autant qu'à vous. Quoi voulez-vous attendre que peu à peu? Quoi voulez-vous attendre que peu à peu? Le temps réduit en cendres à si beau feu. Tout plaisir meurt à l'heure et tout espoir. Tout plaisir meurt à l'heure et tout espoir. Et rien ne nous demeure qu'un désespoir. Et qu'un regret extrême de n'avoir pas, et qu'un regret extrême de n'avoir pas, en la saison qu'on aime, pris ses voulez-vous donc, ma belle, ce que je veux? Voulez-vous donc, ma belle, ce que je veux? Il est bon quand il gèle de coucher deux. Il est bon quand il gèle de coucher deux.